général, tu millionnes. Le vide sidéral me questionne. Dans ma tête, toujours cet écho qui résonne. La certitude viscérale que quelqu'un m'espionne. Nous ne sommes pas seuls. Le monde n'est pas fun. Je regarde un peu les feuilles. Chaque seconde me rapproche de mon cercueil. Je restais en l'air, crucifié sur un cerf-volant. Regardez avec envie tous ces gens qui ont le cerf-volant. Trop facile de dire que la vie est une garce. Pour ma part, je préfère dire que la vie est une farce. À part ça, quoi? J'irai rien de nouveau. Un son pour ceux qui cogitent trop dans leur ciboulot. Donne-moi ciboulon et je t'emmène en balade. Direction le trou noir pour rejoindre mon ambassade. Dans l'œil du cyclone, tout est devenu plus clair. La vérité apparue, juste le temps d'un éclair. Tout fini, aspiré. Le verbe et les lettres, la musique et les textes. Comme dans un vortex. Dans l'œil du cyclone, tout est devenu plus clair. La vérité apparue, juste le temps d'un éclair. Tout fini, aspiré. Le verbe et les lettres, la musique et les textes. Comme dans un vortex. J'ouvre les yeux, prise de conscience douloureuse. Je dérive sans orbite, aspiré par la nébuleuse. Contrôle succinct du système enclenché. Pronostic vital engagé. Les instruments sont endommagés. Un fragment de lumière scintille dans l'infini noirceur. Je m'approche lentement, l'attraction se ressent. Contact établi avec la station orbitale. Hoover, dépressurisation de la cabine. J'allume les boomers. Je traverse le vide sidéral, sidérant intrinsèque à l'espace musical. Choc anaphylactique évité de justesse. La jeunesse manque de repères et de finesse. Ce qui est bon pour le business. Les cafards s'engraissent, les connards agressent. Les bâtards oppressent. Bienvenue sur Terre, l'espèce dominante régresse. Où le chaos est synonyme de richesse. Quelques mots simples pour des êtres complexes. Dans l'œil du cyclone, tout est devenu plus clair. La vérité apparue, juste le temps d'un éclair. Tout fini, aspiré. Le verbe et les lettres, la musique et les textes. Comme dans un vortex. Dans l'œil du cyclone, tout est devenu plus clair. La vérité apparue, juste le temps d'un éclair. Tout fini, aspiré. Le verbe et les lettres, la musique et les textes. Comme dans un vortex. Perdu dans labyrinthe de mes réflexions. Chaque réponse me rapproche d'une nouvelle question. Univers infini, un million de perceptions. Réalité est parallèle, nouvelle dimension. Distorsion de la matière, le rideau se déchire. Le vaisseau s'envole sous une pluie de saphir. Le zéphyr accompagne le soleil jusqu'au zénith. Au-delà de la matrice, tout est magnifique. Le vortex m'attire, plus puissant que les castes secrètes qui soi-disant conspirent. L'espoir expire, le contexte me fait frémir. Le pire reste à venir, je sens le doute m'envahir. La paresse m'assaillir, le souvenir de l'échec peut ressaillir. Mais pas question de venir comme mire. Je reste stoïque, fakir spatial. J'absorbe les phases cosmiques des constellations lyricales. Loin du globe, loin des nœuds qui pensent comme Zorg. L'antimatière se résorbe.